Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag. Aujourd'hui, dans ce numéro, on va parler cinéma. Mais pas besoin d'aller à Paris ou à Hollywood, puisque c'est ici, près de chez nous, à Saint-Ouen-les-Vignes, que deux courts-métrages que vous pourrez voir ce week-end ont vu le jour. Leur réalisateur, Benoît Joanneau, a choisi de faire tourner tout un village avec ses habitants, son ambiance et des décors bien réels. On va donc revenir avec lui sur son parcours, ce qui l'a conduit vers le cinéma, et sur cette aventure un peu folle qui a transformé les rues de Saint-Ouen-les-Vignes en plateau de tournage. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors Benoît, avant de nous parler de ce tournage, raconte-nous un petit peu ton parcours. Tu viens d'où et tu faisais quoi avant le cinéma? Alors j'ai fait beaucoup de choses avant le cinéma. Rien ne me prédestinait, on va dire, à aller au cinéma justement. J'ai pas fait d'école. Je suis un autodidacte, comme on dit. Je viens d'Amboise, justement, là où on enregistre actuellement l'émission. J'ai fait pas mal de choses. Je vais pas tout développer ici, ça serait un peu long. Mais tout part de fin 2023, début 2024. Où je suis dans un moment de ma vie où j'ai besoin de me relever et je me dis, est-ce qu'on ferait pas l'un de mes vieux rêves que j'ai depuis toujours, qui est de réaliser l'un des nombreux scénarios que j'ai écrit quand j'étais plus jeune. Je l'ai fait un peu au culot, on pourrait dire, et j'ai rassemblé une équipe de personnes que je connaissais, ça peut être des potes ou alors c'était des gens que j'ai rencontrés au hasard qui ont accepté de me suivre. Et avec ça, j'ai réalisé mon tout premier court-métrage, Une vie de rêve, en fin 2024. C'est une super histoire ça, parce que finalement c'est de l'écriture et puis un jour un déclic et puis tu te dis ça y est, j'y vais, on le fait. Tout à fait, c'est ça, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est au culot. La décision a été prise un soir de le faire et comme je suis têtu, je l'ai fait. Quand on imagine le cinéma, souvent on imagine ça tout très loin de chez soi quand même. On n'imagine pas ça faire ça en local spécifiquement. Toi tu t'es dit allez, on le fait. Ouais, c'est ça, c'est ce qui faisait que quand j'étais plus jeune, pour moi c'était impossible que je réalise ce court-métrage. Mais avec de la détermination, on peut le faire. Ah bon, c'est un message qui est facile, évidemment. Mais, mais c'est un beau message. C'est un beau message. C'est le message que j'essaie de transmettre via justement la boîte de production que j'ai créée grâce à ça, qui est que on peut y arriver. Boîte de production qu'on peut nommer. Qu'on peut nommer, bien sûr, production sans nom, PCN, donc le production sans nom, donc sans le chiffre. Puisqu'en gros, moi, mes grosses inspirations, ça a toujours été Golden Moustache et Studio Bagel, qui étaient sur YouTube, et qui rassemblaient justement des passionnés, des vidéastes qui venaient un peu partout pour faire des courts-métrages. Et donc, je l'ai appelé Production sans nom, puisque l'un de mes rêves, c'est qu'un jour, peut-être que j'aurais pu travailler avec 100 personnes. Alors, Une vie de rêve, ça a été la première production vraiment qui a été projetée. Ça se passait à Saint-Ouen-les-Vignes déjà l'année dernière, puisque là, on ne l'a pas encore dit, mais ça va se passer aussi à Saint-Ouen-les-Vignes là ce week-end, et également le 24 avril. Il y a deux dates, les 11 et 24. Avant ça, en fait, tu avais déjà touché une caméra. On imagine, c'est quoi ton premier souvenir de tournage, par exemple? Et justement, image qu'on pourrait penser, moi malheureusement, je sais pas, mais je touche pas aux caméras. Je suis pas vidéaste dans le sens où, alors je suis en train de me former à l'heure actuelle parce que forcément si ça va être quelque chose qui va être compliqué pour moi si c'est pas ce que je fais plus tard, mais à l'heure actuelle c'était vraiment rassembler une équipe, j'ai eu ce qu'on appelle un chef opérateur, donc la personne qui gère l'image justement et le son pour le premier court-métrage, mais moi à la base voilà, j'ai jamais été formé à toucher une caméra, je l'ai fait parce que plutôt comme un manager d'une équipe. C'est-à-dire que j'avais des personnes ressources avec moi qui savent faire du cinéma. Ouais, tu coordonnes. Et je coordonnais. C'est ton projet, en fait. Et c'est ça, et en fait, c'est le poste d'un réalisateur, même si normalement un réalisateur sait toucher une caméra, c'est mieux quand même pour donner des indications. Moi, c'était vraiment manager et amener l'idée que j'avais pour la créer. Voilà. Ça parlait de quoi, Une vie de rêve? Une vie de rêve, ça parle de Romain, quelqu'un d'assez perdu dans sa vie, qui s'est séparé de la femme qu'il considérait comme la femme de sa vie il y a un an. Et après une énième soirée chez ses amis où il se sentit seul, en s'endormant, cette fois-ci, il a rêvé d'une fille qu'il ne connaissait pas, mais qui, elle, connaissait très bien. Et justement, en fait, il va tomber amoureux de cette fille dans ses rêves, mais que dans ses rêves. Oh, c'est un petit peu triste. Ah, c'est... oui. Donc là, les deux autres courts-métrages, ceux que tu vas donc proposer à la projection ce week-end, donc le 11 avril et le 24 avril aussi, au foyer rural de Saint-Ouen-les-Vignes, quels sont leurs titres et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que ça raconte? Bien sûr. Pour ces deux autres courts-métrages, il y en a un premier qui s'appelle « Console-moi si tu peux ». Ça parle de Léo, un jeune homme qui va devoir faire face à l'une de ses plus grandes peurs, qui est de accueillir les émotions des autres, puisqu'il va devoir consoler Barbara, on va dire sa copine, ou dans cette entrée de relation, on va dire, qui est en train de perdre un proche et qui a besoin justement du soutien de Léo. Mais il va un peu avoir du mal à le faire justement. Et donc c'est un court-métrage qui aborde les difficultés qu'on peut avoir parfois pour accueillir les émotions des autres et surtout qui permet de résoudre ce problème. Et en tout cas, d'y résoudre, je ne sais pas, mais en tout cas Léo va essayer de le résoudre en tout cas. et Copain d'enfance, donc c'est mon deuxième court-métrage, ça parle des amitiés à travers le temps. Ça parle de Mélanie, qui revient dans son village d'enfance, à Saint-Omer-Living, justement, on y vient, et qui va visiter son ancienne troupe de théâtre, où elle a fait du théâtre pendant 13 ans. Et elle va imaginer à nouveau une scène où elle va revoir ses amis d'enfance. Sauf qu'en fait, on va comprendre que bah, ses amis ne sont peut-être plus là avec elle dans sa vie, et on va essayer de comprendre pourquoi. Et justement, c'est une histoire qui permet de montrer comment les amitiés peuvent évoluer en fonction de l'âge. Tu vas chercher ça dans tes propres rapports à la vie, en fait, tes sujets ? Tout à fait. Moi, j'écris en fonction de comment je vois la vie. L'écriture, c'est mon exutoire à moi. Ça me permet de proposer la vision que j'ai. Ça me permet aussi de résoudre mes propres problèmes. J'écris mes courts-métrages un peu comme je pourrais écrire un journal de bord. Et quand on réalise un film comme ça, en l'occurrence, un court-métrage, plusieurs courts-métrages, et du coup, tu fais un peu tout puisque tu coordonnes, tu es dans le repérage, le scénario, tu coordonnes la mise en scène. C'est quoi le rôle que tu préfères parmi tout ça ? Parce que tu es le couteau suisse, quelque part. Le rôle que je préfère, c'est vraiment le management. J'aime ce côté humain. Il y a des fois sur le court-métrage, parfois je voyais Jean Bossé, je prends un peu du recul et je me dis waouh, j'ai réussi à rassembler une équipe comme ça. Et c'est des gens qui sont main dans la main pour aller dans un seul et unique but, la réalisation de ce projet. Parce que oui, c'est mes courts-métrages, mais mes courts-métrages, je pourrais pas le faire sans toutes ces personnes-là. C'est du collectif. Et c'est du collectif et ça devient quelque chose d'important pour chacun d'entre eux, que ce soit le chef opérateur qui est hyper important, au moindre figurant qui a totalement son importance également dans le film, parce qu'on peut pas faire de film même sans figurant. Mais c'est vrai que c'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine et c'est franchement ce que je préfère. Après, il y a aussi la pré-production. Ce qu'on appelle la pré-production, c'est quand on prépare un tournage, c'est vraiment là où je suis le meilleur, on va dire, parce qu'après tout ce qui est tournage et post-production, donc montage, c'est pas trop mes domaines. Donc pré-production, tout ce qui est écriture, préparation, repérage, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment ce que je préfère, parce que c'est là où vraiment je peux mettre le plus la main à la pâte. Et à l'inverse, qu'est-ce qui est le plus compliqué ? Il faut bien qu'il y ait un grain de sable quand même. Ah, bien sûr. confronter le rendu à ce qu'on a dans la tête, c'est très compliqué. Ah, parce que en fait, l'image que tu en as au début n'est pas forcément le produit que tu as en bout de course ? Non, déjà d'une, parce qu'il peut être amené à évoluer. Moi, je suis quelqu'un qui suis toujours ouvert à proposition. Et de n'importe qui. Encore une fois, je reviens aux figurants. Enfin, c'est pas pour dire que les figurants sont pas importants. Au contraire, c'est pour montrer même quelqu'un qui est de passage sur un tournage. S'il y a une idée qui est bonne, je suis preneur. Je laisse vraiment l'ouverture à tout le monde. Ça peut être quelqu'un de mon équipe également. Donc déjà, comme ça, il peut évoluer. Et surtout, quand on écrit, on imagine. Sauf que l'imagination, c'est pas forcément la réalité. Et donc, même si la réalité est belle, parce que moi, tous mes courts-métrages, je les adore, c'est quand même particulier, on va dire, de confronter ces deux images. Et donc, on a toujours une petite période où on a l'impression que ça nous plaît pas. Et en fait, il faut juste réussir à le passer, cette période-là. Et derrière, on découvre un film qui est magnifique à voir. Ouais, c'est intéressant parce que c'est un vrai boulot sur soi-même à faire quelque part. Tout à fait. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on parle de cinéma, on voit toujours ça comme quelque chose de très inaccessible. Et toi, t'es la preuve qu'on peut le faire. On peut, à l'échelle. Après, effectivement, là, tout de suite, maintenant, si je voulais réaliser un film d'une heure et demie, ça serait beaucoup plus compliqué. Parce que là, pour le coup, il faut avoir des côtés financiers, etc. Ouais, c'est maintenant, sûr. Effectivement, l'accès au cinéma... En fait, je pense que le problème, c'est que les gens se présentent le film comme Hollywood, les gros films à gros budget, avec des voitures qui explosent, etc. Alors que non, le cinéma, ça peut être aussi le moindre court-métrage qui dure ne serait-ce que 2 minutes. C'est un court-métrage, c'est du film, c'est du cinéma. Et on peut y accéder, ça, pour le coup. Sans forcément monter à Paris. Sans forcément monter à Paris. Alors, je te propose qu'on revienne à Saint-Ouen. Ouais. On va écouter un titre que tu aimes particulièrement. Et je crois que tu as une idée derrière la tête au travers de ce titre. Say Hey Net So, Joe, de Murray Head. Ouais, tout à fait. C'est ton choix. Eh bien, écoute, on va l'écouter ensemble. Et puis tout de suite après, on reviendra à Saint-Ouen-les-Vignes pour que tu nous parles de comment ça s'est passé tout ce tournage. Avec grand plaisir. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. That's not what I wanna hear, Joe, and I got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please tell us it ain't so. They told us that our hero, the lady's drunk girl, he doesn't know how to go on. They're clinging to his charm and determined smile, but the good old days have gone. And the empire may be falling apart. The money has gotten scarce. One man's words held the country together, but the truth is getting fierce. Say it ain't so, Joe, please, say it ain't so. Pinned our hopes on you, Joe, and they're ruining our show. N'est-il pas beau ce titre de Murray Head, Sayenetso Joe? C'est sur Radioactive, dans le mag. Aujourd'hui, nous accueillons Benoît Joanneau. Benoît, il est réalisateur, il a fait plusieurs courts-métrages et il vous donne rendez-vous ce 11 avril. C'est samedi, ça? Ouais, tout à fait. C'est samedi. Et le 24 avril également, à 19h15, au foyer rural de Saint-Ouen-les-Vignes, en présence des équipes. C'est une entrée libre, faut juste s'inscrire a priori. C'est ça, tout à fait. Eh ben, on donnera les informations d'inscription juste après. Avec plaisir. Alors, on a évoqué la première production qui était la tienne, Benoît, Une vie de rêve. Et là, les deux prochains que tu vas nous proposer, c'est Console-moi si tu peux et Copains d'enfance. Donc, on pourra voir, comme je l'ai dit, les 11 et 24 avril. Copains d'enfance, donc à Saint-Ouen-les-Vignes. Comment ça se passe quand on débarque avec une équipe de tournage dans le village et qu'il y a des curieux autour qui doivent... se poser des questions? Ah oui, effectivement. En gros, tourner à Saint-Ouen, pour moi, c'était quelque chose d'important. Je tiens à mes origines. Je suis né en Boise, mais j'ai grandi à Saint-Ouen-les-Vignes. Mes parents habitent encore à Saint-Ouen-les-Vignes. Donc, c'était normal pour moi d'y revenir au bout d'un moment. Et ce qui m'a donné l'opportunité de tourner à Saint-Ouen-les-Vignes, c'est parce que, en plus de ma boîte de production associative que j'ai à Tours, je suis également metteur en scène dans la troupe de théâtre des Comédouins, donc la troupe de théâtre à Saint-Ouen-les-Vignes. Oui, on connaît. Exactement, que vous avez déjà reçu. Et c'est la première année que j'y étais déjà depuis 3 ans en tant que comédien. Mais cette année, on m'a confié la mission d'être le metteur en scène des groupes des jeunes. Et donc, il était logique pour moi que j'arrive avec mon univers. Et donc, il était logique que je leur propose un court-métrage, ne serait-ce que pour qu'ils voient la différence entre théâtre et cinéma. Et donc, pour moi, c'était logique. Si une troupe de Saint-Ouen-et-Vigne, je viens de Saint-Ouen-et-Vigne. C'était logique qu'on tourne à Saint-Ouen-et-Vigne. Et comment les habitants ont réagi quand ils ont vu justement le déballage de tout cet attirail? Ouais, bah après, en soi, on était assez couverts dans le sens où on a tourné dans des locaux toujours fermés, donc les gens n'ont pas forcément... Ouais, c'était moins visible qu'en plein air. C'était moins visible, mais par contre, effectivement, je le confirme souvent quand on tourne dans les rues, quand je reprends un tour, par exemple, ça attire souvent des curieux. Mais pour autant, il y a des habitants qui ont participé. Ouais, tout à fait. Bah déjà, tous les jeunes qui étaient présents à l'image, la plupart venaient de Saint-Ouen-et-Vigne. En dehors de l'image, il y a aussi Daphné et Noémie de l'association qui nous ont beaucoup aidés. Mm-hmm. Des parents des enfants qui sont venus voir, justement. Mes parents qui m'ont beaucoup aidé sur le tournage. Donc ouais, ça a mobilisé quand même pas mal de personnes de la commune. C'est super d'avoir tous ces gens derrière toi. C'est qui génial. Te poussent et qui... Et alors, est-ce qu'il y a eu un moment marquant ou inattendu ou une anecdote pendant ce tournage à Saint-Ouen-les-Vignes? Il y a toujours des anecdotes sur les tournages. Il y a toujours des trucs qui se déroulent pas comme ça aurait dû se dérouler. Ah, jamais. Ça, c'est inévitable. Si un jour un tournage tourne vraiment exactement comme c'est à 100% comme c'était marqué, je veux rencontrer le réalisateur. je veux venir. Le plan sans accro, c'est il pas gagné. Il n'existe pas. Et en même temps, c'est ça qui fait joie du cinéma aussi. Mais oui, bien sûr. Je dirais que, bon, c'est un moment qui est personnel, mais je dirais que ça a marqué un tournant dans la saison de théâtre, puisque une fois que le court-métrage était passé, je me suis senti beaucoup plus proche des jeunes avec qui je faisais du théâtre, et ça m'a vraiment fait du bien. Et eux, on imagine qu'ils ont vu déjà le rendu. Vous avez fait une projection le découvrir en même temps que nous. J'aime l'idée que mes acteurs, à part 2-3 personnes, parce qu'ils étaient là au moment où moi je faisais mes essais de projection, j'aime l'idée qu'ils puissent le découvrir au même titre que les personnes qui seront là en tant que spectateurs. Surprise totale. Ah, c'est chouette. Ouais, j'aime bien cette idée. C'est chouette parce que ça va apporter une émotion différente, je pense. Ouais, tout à fait. En fait, j'estime que s'ils le voyaient avant, ils vivront quand même effectivement le côté ensuite de venir s'exprimer devant le public, etc. Mais ça enlèvera quelque chose, alors que s'ils vivent toutes ces émotions en même temps, ok, ça peut faire peur, effectivement, mais derrière, le rendu sera vraiment dingue. Et moi, le principe que j'ai, c'est que toutes les personnes qui me suivent, ils le font bénévolement. Si je peux au moins les remercier en leur offrant des émotions comme ça, c'est la moindre des choses. Ah, c'est top. Hein. C'est un joli discours. Et puis encore une fois, moi ça prouve, enfin c'est vraiment, je rebondis là-dessus, mais ça prouve qu'on peut réaliser ses envies. Enfin, c'est un beau message, je trouve. Merci. Du coup, tu l'as évoqué, Benoît, juste après les projections, un temps d'échange avec le public. Ouais, tout à fait. Au-delà de projeter, nous on veut faire un petit pas avant-première, c'est-à-dire que... les gens qui vont le voir sur YouTube n'auront pas forcément l'occasion de pouvoir poser des questions. Je veux vraiment offrir aux personnes qui vont venir nous voir ces deux soirs-là, s'ils ont plein de questions, ne serait-ce que nous rencontrer, voilà, je veux vraiment leur offrir ça, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, ne serait-ce que pour évoluer, moi en tant que réalisateur, d'avoir l'avis du public. Et donc ouais, pour moi c'est important qu'il y ait ces temps d'échange. Oui, puis tu l'as dit tout à l'heure, tu te remets beaucoup en question, donc tu les écoutes les avis, donc c'est important. Ah bien sûr, je les écoute, bien sûr. Quand on est en autodidacte, il faut forcément écouter les avis. C'est mieux. Ah bah, c'est essentiel. Est-ce qu'on peut venir en famille? C'est réservé à un public à partir de quel âge? Faut peut-être que les enfants se tiennent un peu tranquilles quand même. Oui, hein, bon, enfin, encore. Un minimum. on verra. Non, vraiment, il n'y a pas de limite d'âge. Bon, Consomme-moi si tu peux parle d'un sujet qui est quand même assez dur, hein, parce que ça parle de la mort. Maintenant, qui est un sujet qui peut être abordé à tout type de public. Mais en tout cas, non, il n'y a aucun type de public admis ou pas admis. Au contraire, venez en famille, ce sera encore plus cool. Ah bah super, ça aura donc lieu les 11 et 24 avril à 19h15 au foyer rural de Saint-Ouen-les-Vignes en présence des équipes. C'est gratuit, par contre on s'inscrit. Alors comment on fait pour s'inscrire? Alors s'il y a des affiches un peu partout dans Saint-Ouen-les-Vignes, s'il y a des Audoniens ou des Audoniennes qui nous écoutent, sinon sur le Instagram de Production sans nom, donc Production sans CNT nom NOMS, vous pouvez trouver sur Instagram, il y a le lien et toutes les informations qui est nécessaire pour venir nous voir. Est-ce que tu travailles déjà sur un autre projet? Toujours. On a toujours en cohérence. Bon, alors ce ne sera pas un scoop, puisque vraisemblablement, c'est habituel. Donc Benoît est déjà en train de penser à la suite. Eh ben, super, en tout cas, merci d'être venu nous raconter ta belle aventure. Merci à toi pour l'opportunité qui est très cool. Eh ben, c'était avec grand plaisir et comme quoi, comme on le disait, avec de l'envie, quelques idées, puis surtout la passion, on en parlait hors antenne parce qu'on est dans un univers de passion aussi ici à Radioactive, on peut réaliser de grandes choses. Tout à fait. Donc rendez-vous les 11 et 24 avril à 19h15 au foyer rural de Saint-Ouen-les-Vignes pour découvrir ces deux courts-métrages, rencontrer l'équipe et prolonger la discussion. Merci Benoît. Merci à toi. C'est la fin de ce mag que vous pourrez réécouter, notamment sur notre page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.